إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنه من المعلوم أن الناس يتفاوتون فيما بينهم فمنهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم المنافق Il est certes connu que les gens se distinguent les uns des autres. Il y a certes parmi eux le musulman, mais aussi le mécréant. Et encore l'hypocrite, al-munafiq. وَلَعَلَّنَا نُرَكِّزُ الْيَوْمِ فِي خُطْبَتِنَا هَذِهِ عَلَى صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَتَرْكِيزُنَا الْيَوْمِ حَوْلَ Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un de ces groupes. Parmi ces trois groupes de personnes que Allah tabaraka wa ta'ala a cités au début de Sourate al-Baqara. Certes, nous allons nous concentrer aujourd'hui, durant cette khutbah, et nous allons aborder le sujet des gens de l'hypocrisie, les adeptes de l'hypocrisie, les hypocrites. Ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit à leur sujet innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar. Certes, les hypocrites sont au plus bas degré de l'enfer. Wa mimma qalahu Allah tabaraka wa ta'ala fi al-munafiqin fi surah al-Baqara wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yawm al-akhir wa ma hum bimu'minin. Et parmi les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant les hypocrites, au début de Sourate al-Baqara, il y a sa parole dans le sens rapproché de la traduction du verset. Il y a certes parmi les gens ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier alors qu'ils ne sont pas croyants. » « فَهَاُولَئِ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامِ » وَيُبْطِنُونَ الْكُفْرِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانُوا أَخْطَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكُفَّارِ الْوَادِحِينَ. Et donc ces gens, ils mettent en évidence, ils laissent apparaître l'islam tout en cachant la mécréance. Et c'est pour cela qu'ils sont plus dangereux envers les musulmans que les mécréants clairs. Dans leur mécréance. Ayyuhal muslimoun, an-nifaqu amrun khatirun ala sahibi. Oh musulmans, l'hypocrisie est un sujet très dangereux concernant son adepte. Kana as-salafu yakhafun an-nifaqa ala anfusihim. Les pieux prédécesseurs craignaient, ils avaient peur de l'hypocrisie concernant leur propre personne. قال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه Ma minhum ahadun yakulu. Ma minhum ahadun yakulu innahu ala iman Jibril wa Mika'il. Imam al-Bukhari a cité dans son recueil Sahih. Il dit, Ibn Abi Mulaika a dit, j'ai rencontré 30 parmi les compagnons. J'ai rencontré 30 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous craignaient l'hypocrisie concernant leur propre personne. Aucun d'entre eux ne disait qu'il avait la foi de Jibril ou de Mika'il. Naam, ya ibadallah. Ha'oula ilqawm. Kanu yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. En effet, aux serviteurs d'Allah, ces gens-là, ces pieux prédécesseurs, ils craignaient l'hypocrisie concernant leur propre personne. Wa zakara al-ulama. An Umar ibn al-Khattab, an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, annahu qala li Hudhayfa, nashadtuka billah ya Hudhayfa, adhakarani asmani laka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont cité l'histoire de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Lorsqu'il demande à Hudhayfa, je te demande par Allah, ô Hudhayfa, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité auprès de toi? Lianna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhakara li Hudhayfa ba'd asma'il munafiqin. Fa kana Hudhayfa ya'rifuhum wa yarahum. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité à Hudhayfa les noms de certains hypocrites. Hudhayfa les connaissait et les voyait. Fa kana Umar يريد أن يعرف أهو منهم أو لا. Alors Omar, il voulait savoir s'il fait partie d'eux ou pas. فقال حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا. Non, il ne t'a pas cité. Tu ne fais pas partie d'eux. Et je ne ferai l'éloge de personne après toi. C'est-à-dire, quiconque viendra me demander après toi, est-ce que le prophète m'a cité ou pas, je ne répondrai pas. انظروا هذا عمر رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومع ذلك يخاف النفاق على نفسه فأين نحن يا عباد الله. Regardez ici Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, celui dont le prophète صلى الله عليه وسلم lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis, et malgré cela il avait peur de l'hypocrisie concernant sa propre personne. Que devons-nous dire de nos propres personnes aux serviteurs d'Allah? Que devons-nous dire, nous, à notre époque? Ayyuha al-Muslimun, yanbari ala al-Muslim, an ya'rifa awsaf al-munafiqin, liyajtanibaha, wa liyakhaf ala nafsihi al-wuku'a fiha. Ô musulmans, il est important que le croyant connaisse les caractéristiques des hypocrites, afin qu'ils s'en éloignent, et qu'ils craignent, concernant sa propre personne, d'avoir une de ces caractéristiques en lui. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ونستغفر الله ونتوب إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون, أوصاف المنافقين كثيرة, ولعلنا نركز اليوم على أبرزها. Ô musulmans, les caractéristiques des hypocrites sont nombreuses, et nous allons certes nous concentrer aujourd'hui sur leurs caractéristiques les plus apparentes. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. L'imam al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil As-Sahih, selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quatre caractéristiques qui, si elles sont rassemblées en une personne, alors celui-ci est un hypocrite pur. Et si une personne a en elle une de ces caractéristiques, alors elle a en elle une caractéristique de l'hypocrisie. Lorsqu'un dépôt lui est confié, il le trahit. Lorsqu'il parle, il ment. S'il prend un engagement, il ne le respecte pas. Et s'il a un conflit, il dépasse les limites. Fal-oula, khiyanatul amana. La première de ces caractéristiques, le fait de trahir le dépôt qui a été confié. Bi'satil khuluku hadhihi. Et quel mauvais comportement que c'est. Rajulun yuthaku bihi fayusta'manu aw fayasta'minuhu ahadun nas ala malihi aw 'irdihi aw ghayr dhalik fayakhunu. Un homme en qui on a confiance. Alors un individu lui confie un défaut, un dépôt, un bien ou son honneur ou autre. Alors celui-ci va trahir le dépôt. Tasta'minuhu fi malik fayakhunuka wa yasta'miluhu fi ma la yushra'u lah. Tu lui confies un dépôt dans ton argent. Alors il trahit ce dépôt, il va utiliser cet argent de façon non légiférée. Tasta'minuhu fi 'amalin fi wadhifatin fayakhun fayata'ammadu 'adam al-qiyam bi hadhihi al-wadhifa. Tu lui confies un dépôt d'un travail, une fonction, il trahit. Il va intentionnellement ne pas accomplir la tâche qui lui a été demandée d'accomplir. Tusafir, tu voyages. Tastaminuhu fi ahlik. Fayakhun. Tu voyages, tu lui accordes un dépôt dans ta famille et il te trahit. Mais akbah hadha dhanb. Que mauvais ce péché. Souila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kama fi sahih al-Bukhari. Ya Rasul Allah. Ayyu dhanbi akbar inda Allah. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Comme dans sahih al-Bukhari. Ô messager d'Allah. Lequel des péchés est le plus grand auprès d'Allah? Il dit, le fait que tu accordes à Allah un associé, alors qu'il t'a créé. Qala thumma ay? Qala an taqtula waladak khashyata an yat'ama ma'ak. Qala thumma ay? Qala an tuzaniya bihalilati jarik. Ensuite, le prophète, l'individu, le questionnaire, il a donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis quel est le péché le plus grand après le polythéisme? Quel est le plus grand? Le prophète répondit en disant, le fait que tu tues ton enfant à cause du fait que tu aies peur qu'il mange avec toi. Tu as peur de la pauvreté. Le questionneur dit alors, et quoi? Quoi après cela? Le prophète de dire, le fait que tu forniques avec la femme de ton voisin. Fahadha yastaminuk. Il te confie un dépôt. Yusafir ou ya'mel. Il voyage ou il est au travail, car il sait qu'il a un voisin de confiance. Fatakhoun, alors tu le trompes. Mais akbah, hadha dhanb, qu'est-ce que ce péché est moche? Wa akbahu min dhalik. Rajulun, yakun mahsouban min ahli l'ilm. Yarji'u ilayhi nasu fi dinihim. Yastaftunahu fi dinihim. Yathikuna bih. فيخون الأمانة ولا يعلمهم ما ينفعهم ولا يعلمهم ما يجب عليهم ولا يعلمهم ما يحرم عليهم هذه من أقبح الخيانات. Et encore plus moche que ce qu'on a cité, le fait qu'un homme soit considéré comme faisant partie des gens de science Les gens ont confiance en lui. Ils reviennent vers lui dans leur religion. Ils lui demandent des fatwas, des avis juridiques. Et celui-ci va trahir le dépôt. Il ne va pas leur enseigner ce qui leur est profitable. Il ne va pas leur enseigner ce qui leur est obligatoire. Et ne va pas non plus leur enseigner ce qui leur est interdit. Ceci fait partie des plus grandes trahisons. ولذلك من كان كذلك استحق لعائن الله وغضبه. Et c'est pour cela, celui qui est comme tel, il mérite les malédictions venant d'Allah, ainsi que sa colère. Allah tabaraka wa ta'ala, qui dit dans son livre, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, en fait de preuve et de guider, après que nous l'ayons exposé aux gens de façon claire dans le livre, voilà ceux que Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. Fa'ala tullab al-ilm wa a'immatil masajid an yuballighu ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa inna dhalika min a'zami al-amanat wa kitmanuhu min a'zami al-khiyanat. Et donc il est imposé aux étudiants en sciences ainsi qu'aux imams des mosquées de transmettre ce avec quoi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, car cela fait partie des plus grands dépôts. Et le silence concernant cela fait partie des plus grandes trahisons. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu allaha wa rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Oh, ceux qui ont cru, ne trahissez pas Allah et son messager. Ne trahissez pas le dépôt qui vous a été confié alors que vous savez. ولعلنا نستمر في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في ذكر أوصاف المنافقين لنتأمل بإذن الله تعالى. Et nous allons continuer la semaine prochaine, إن شاء الله تعالى, à citer les caractéristiques des hypocrites, afin d'en profiter et d'améliorer notre situation. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن وأن يبرئنا من أوصاف المنافقين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.